Salut, salut, salut, comme tous les dimanches sur Radioactive, le 100 FM à Toulon et le radio-active.net partout ailleurs dans le monde. C'est votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées, Lost in Space, de 21h à minuit et après. Et on attaque tout simplement aujourd'hui avec un des meilleurs groupes français de ces 30 dernières années, Varum Joe, avec ce magnifique morceau qui s'appelle Le Camionneur. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les morceaux passés dans l'émission sur le site, sur la page correspondante. Et c'est parti, allez, go! Called The Weeknd. Thank you. The strobe light really helped on that one. Thank you. Good enough, I think so. Thank you. Oh, I called this number 3 times already today, but I got scared. I put it back in place. I put my phone back in place. I still don't know if I should have called. Look, just tell me, why don't you? If I'm out of place. 'Cause here's your chance to make me feel awkward and wish that I had never even called up this place. I saw you though today walk by with Hippie Johnny. I had to call up and say how I wanna take his place. So this phone call today concerns Hippie Johnny. He's always stoned. He's never straight. I saw you today, you know, walk by with Hippie Johnny. Look, I had to call up and say I wanna take his place. See, he's stoned, Hippie Johnny. Now get this, I'm straight and I want to take his place. Now look, I like him too. I like Hippie Johnny. But I'm straight and I want to take his. I said I'm straight. I said I'm straight. I'm proud to say. Well, I'm straight and I want to take his place. Now I've watched you walk around here. I've watched you meet boyfriends, I know, and you tell me how they're deep. Look, but I think if these guys, if they're really so great, tell me why can't they at least take this place and take it straight? Why always stoned like Hippie Johnny's? I'm straight and I want to take his place. I'm certainly not stoned like Hippie Johnny is. I'm straight and I want to take his place. I said I'm straight. I said I'm straight. Vous êtes toujours sur le Radioactive 100 FM, l'émission Lost in Space. À l'instant, on a eu les Modern Lovers avec I'm Straight. Modern Lovers, magnifique groupe de Jonathan Richman dont on a entendu plein de morceaux depuis toutes ces années que l'on passe ensemble. Et on continue nos rubriques récurrentes avec l'histoire des Slits sortie sur la magnifique maison d'édition Ritrut Édition. Et on continue d'avancer dans cette histoire de jeunes filles atypiques. Shirley O'Loughlin, la manageuse et photographe des Raincoats. Les Slits donnaient vraiment l'impression d'être un gang. Quand elles faisaient leur entrée dans la salle, les gens s'écartaient pour les laisser passer. Elles avaient une très forte présence. Quand elles se déplaçaient, peu importe qui se trouvait sur leur chemin, elles fonçaient droit devant, particulièrement Palmolive et Harry. C'était comme un bataillon, c'était un gang. Ce n'est pas un concert banal. Elles jouent différentes chansons en simultané et à des moments délaissent leurs instruments pour simplement danser. Les sommations du public mènent les Slits à défier les récalcitrants de venir eux-mêmes prendre les instruments pendant qu'elles dansent. La première bagarre des filles sur scène fut encore plus mémorable. I could have been raped in Ladbroke Grove. Yeah, you can never. a bus. There is up, say largely no. Don't in my mind that you and I have grown apart for the first time. Seeing you with other girls sometimes bothers me. Palmolive. Ce dont je me souviens le mieux, c'est qu'on s'est battu sur scène. Les éléments de la batterie ont volé dans tous les sens, car je ne savais pas qu'il fallait les fixer au sol. Comme je frappais très fort, la batterie se disloquait et je devais sans cesse la remettre en place, avec Harry qui criait parce que je ne gardais pas le rythme. Ça m'a tellement dégoûté que je lui ai balancé mes baguettes. Tout le monde a pensé que c'était prévu, que ça faisait partie du show, mais ce n'était pas du chiqué. Of Babylon lovers. Oh, oh, oh, sweet love on drummers. Hey, take something, man, let's dance. Won't you with me all the time? You promised April that you're mine. Shoot, shoot, shoot, shoot, I own you. See you later, alligator. Love's a feeling, and so is stealing. Do you hear me? I hear you. I'm having fun. It's such a lovely. Now we're one. Life's a gas all the time. Vous êtes toujours sur le 100 FM Radioactive, Lost in Space, Les Slits, c'est fini à l'instant. On y reviendra bien évidemment dans d'autres émissions. On va voir maintenant droit à quelques petites chroniques de disques qui ont marqué l'année dernière et ce début d'année. Et puis après on continuera en programme musical comme d'habitude avec plein de choses. Et je vous rappelle encore une fois, si un morceau qui vous a tapé dans l'oreille, connectez-vous à la page de la radio, c'est radio-active.net, Lost in Space, vous verrez, il y a tous les morceaux que l'on passe. Allez, c'est parti pour une petite chronique. J'ai déjà eu l'occasion de dire tout le mal que je pensais des groupes qui continuent à faire du shoegaze au XXIe siècle. Et on pourrait donc croire au premier abord que cette petite chronique du dernier album des Crocodiles va aller dans la même direction, car ce sont des vrais adeptes de ce style. Eh bien non, je n'en dirai pas du mal. Car même s'ils ont des côtés assez énervants, il me semble important de revenir sur ce disque sorti l'année dernière et dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé dans l'émission. C'est vrai qu'on sent un album qui est fait pour plaire aux radios, ce qui marque une certaine maturité ou une volonté de faire enfin un peu de thunes, il faut rayer la mention inutile, pour ce qui est quand même leur quatrième production. Alors production justement, parlons-en. Rien à dire, c'est trop propre, trop net. On sent bien les heures passées en studio avec du matos qui coûte la peau des balles, la volonté de faire du Phil Spector en rajoutant des tonnes dans les overdubs, comme dans le morceau « The Boy is a Tramp ». Le travail sur la voix qui était à la pointe à l'époque des Jesus and Mary Chain, mais qui devient assez convenu de nos jours. Alors vous allez me dire, chers auditeurs, mais qu'est-ce qu'il lui trouve à cet album? Il ne fait qu'en dire du mal. Eh bien, comme pour les Jesus and Mary Chain dont on vient de parler à l'instant, les Crocodiles appartiennent à une catégorie de groupes qui s'avèrent énervants de par leur facilité à pondre des standards. Chaque morceau écouté plus d'une fois va te rentrer immédiatement dans la tête et c'est finalement exactement ça que l'on demande au rock'n'roll. J'en veux pour preuve le morceau Fooling Around que tu écouteras gentiment juste après, qui résume parfaitement l'affaire, un putain de tube potentiel. Malgré quelques petites coups au milieu, le morceau Blue par exemple, tout l'album s'enchaîne et on a même un aperçu de leur concept fumeux, qui était vendu aux journalistes par le label, de salsa punk avec le morceau Cool TV, une piste qui est vaguement espagnolisante et qui lance avec merveille le bijou pop Peroxide Arts juste après. Avec ses côtés garage en songwriting et ses arrangements pop, ce disque est peut-être le chaînon manquant qui réconciliera amateurs de pop et de rock'n'roll ou pas, mais ça, c'est vous qui le direz, chers auditeurs. We'll be right back. Attention OVNI, Dengue Fever ne ressemble à rien de ce que tu as probablement dû écouter avant. Ce n'est pas du rock, même si ça y ressemble. Ce n'est pas non plus de la world music, même si ça y ressemble toujours. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour y répondre, un peu d'histoire. Dengue Fever a marqué les esprits quand ils ont sorti leur tout premier album en 2003, en démarrant un tout nouveau concept. Reprendre des standards de la pop cambodgienne des années 60, juste avant que les Khmers Rouges décident d'envoyer tout ce beau monde dans des champs pour leur apprendre à vivre, et pour beaucoup à mourir. À l'origine, Ethan Holtzman, leur claviériste, avait passé 6 mois en Asie du Sud-Est et avait ramené des tonnes de cassettes de ce genre complètement tombées dans l'oubli. Dès son retour à LA, il monte Dengue Fever en trouvant la perle rare, Shum Nimol, une plantureuse chanteuse asiatique. S'en suivent 5 albums de covers, pop, surf et voire même garage, ainsi que des prestations scéniques qui les ont fait remarquer de la presse spécialisée. Voici donc le 6e, The Deepest Lake, où, de leur propre aveu, ils souhaitent agrandir leur cercle de fans en élargissant leur périmètre musical, en clair, en arrêtant de faire de la pure pop cambodgienne. Et ils y arrivent. Le résultat est bien moins roots que les précédents albums et on a parfois l'impression qu'il tombe dans les facilités de l'easy listening et de la production R&B moderne. Reste toujours cette voix suave et prenante, mais au bout de l'album, on a quand même le sentiment que l'on a écouté toujours le même morceau ou que l'on vient de se taper une séance de karaoké au resto vietnamien du coin. Bilan à écouter si on ne connaît pas le groupe, sinon on peut facilement s'en passer. took her out. It was a Friday night. I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants. But then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of you's my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Then later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still more of these when paying phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? The time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should have my age. That's about the time that she broke up with me. No one should take themselves so seriously. With many years ahead to fall in line, why would you wish down on me? I never wanna act my age. What's my age again? What's my age again? Thank you. But I'm a working class hero, and it's supposed to mean something that I sell. You can't move the product, you can't move the product without a face. Messages keep getting clearer. A little sex is the cure for my despair. I check my look in the mirror. Baby, I just need a new product to wear. Man, I ain't going nowhere. Just try to fit into a fantasy. There's something happening somewhere, but it's not on MTV. You can't be the boss. You can't be the boss, but not a bureaucracy. That gun's for hire, when it's always pointing at me. You sit around getting older, listening to Bruce's new LP. I think the glorifications for our own passivity. 'Cause on the streets of this town, everybody's giving up the fight. You're hungry for entertainment, well they're playing the new Springsteen album tonight. I'm dying for a distraction. I'm sitting around here with my own mind. I need a rock and roll hero to put my nervous system back in line. You can't be a rock star, you can't be a star without a hit. There's something happening somewhere, but Bruce Springsteen isn't it. You can't start a fire, but when your hero says there's nothing to burn. Pacifier joy. Pacifier. answer. I'm all in that chair. I don't want the can there. But it's a slip. And he passes by and joins. Where treats is a sound. Record label currently on tour. They spoke with videographer Jay Myris in Vancouver. When was the last time I saw you, gentlemen? January last year. Yeah, it was a year and a half ago. 1995. And how many miles? Lots of miles. On that beautiful green van, you can show a clip of. Yeah. 80,000? We saw you 80,000 miles ago. Yeah, about that. That's about a year. Yeah. Here's why. Now tell me, you recorded a record on a certain label. Would you like to make the announcement officially on Much Music? We recorded a record on a certain label. Come on, just say it. I want to say it, but you guys say it. On Sub Pop Records. Is that what you want to say? Yeah. My mom said she wanted you out of the house. Just because nobody liked you, you know. It's not clever, but she don't want Saturday Night Live like you do. Here's how it happened. Yeah? Here's the magic behind the whole deal. We played in Seattle, and this bald guy with a big, huge beard comes up to me and says, I really enjoyed your show. And I said, well, thank you, which is what you're supposed to say. And you didn't know who this guy was? No. And we were going dancing, and we got drunk, and we partied, and we kicked over drinks. And the next day, they said we wanted to sign you. We want to sign you guys to Sub Pop. Was the guy with you, Bruce guy. Bruce Pavitt, the guy who runs the label, yeah. So when did you figure out he was Bruce Pavitt? The next day. Hip, hip, hooray! Sing along! Hip, hip, hooray! Guitar solo! So the album will be coming out when, gentlemen? May 24th. North American release? May 21st. Late May. Late May. North American release? North American, European. And worldwide. Worldwide. Chicks Dig It from Calgary, Alberta. Their album is on Sub Pop. We've said that a million times already, but I'm excited for them. Jay Myers in BC, Vancouver for Fax. See ya. Bye, Lance. Down on the earth, tell them that I'm your gun. Pull my trigger, I'm bigger than.

prophecies, the mysteries over no man's land. He sees in front of him a smashed up waste ground. There are no fields or trees, no blades of grass, just a buried ghost of Thank you very much. It's been really wonderful to play here with, and be with you tonight. Thank you. I'd like to introduce the band to you at this time. On my left-hand side is John Parrish. And on drums, Jean-Marc Butty. And sitting at the keyboards, Mick Harvey. Thank you. first name Angeline. Prettiest mess you've ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I'll let him in. Places where I recall the memories that grip me and pin me down. I go to these places pretending to think. I can think of nothing but anticipate. Somehow expect you finds me there. Let by some miracle youths beware. I'd risen. Myself from work, I freed my. next time we're here. Good night. Said forever. this show.